Chicoutimi. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bonsoir et bienvenue à l'émission Chérie m'écoute-tu en cette journée de lundi de l'Action de grâce. Et tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais souligner la présence silencieuse d'une recherchiste en studio, soit mon amie Martine Goulet, qui sera avec moi durant la prochaine heure. Sinon, côté musical, à l'émission, on va entendre plusieurs formations qui n'ont jamais joué à Chérie m'écoute-tu, soit The Bird and the Bee, Paper Cuts, Memory Tapes. Du côté francophone, nous allons entendre MC Trouille, artiste mythique et plutôt méconnu de Montréal. Ensuite, une nouveauté de la formation électro Automélodie ainsi qu'une pièce du nouveau disque de la formation montréalaise Mille Monarques. Et plusieurs autres pièces qui joueront à cette émission. Sans plus tarder, on va se lancer en musique avec la formation School of Seven Bells avec une pièce qui se nomme d'un trait. Donc la pièce s'appelle I Am Under No Disguise. Vous êtes à Chérie m'écoute-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. jeans that brush my face. Falling feathers cover suffocating. D'entendre la formation Mr. Gnome avec la pièce Knights of the Crickets tirée de l'album Deliver This Creature, qui est leur premier album paru en 2008, et c'est une formation active depuis 2005 qui nous vient de Cleveland en Ohio. Tout juste avant, on a eu la formation School of Seven Bells avec la pièce I Am Under No Disguise, écrit en un mot, de leur premier album Alpinisme paru en 2008. Et c'est une formation de New York active depuis 2007. Et Martine, notre recherchiste en studio, m'a mentionné qu'ils ont fait une tournée avec Bad for Lashes ainsi qu'une tournée avec Blonde Redhead en 2007. Et ça ne nous surprend pas parce qu'on trouve qu'ils ont des influences qui peuvent s'apparenter à ces deux formations. Donc, c'est ce qui complète ce bloc, ce premier bloc anglophone. On va se tourner du côté franco avec un bloc plutôt éclectique avec tout d'abord Prototype et ensuite on va entendre la formation de Blow et à la fin du bloc, notre amie Marie-Ève Langlois sous le nom de M. Citrouille. Alors, on vous en parlera davantage, ou bien plutôt je vous en parlerai davantage après ce bloc. Donc, on va entendre Prototype. Vous êtes à l'émission Chérie mes coups de dessus avec Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. Bonjour, je ne fais tant haut. Nous avons écouté le son de votre amour. Le party, mais t'aimes pas ça danser. Tes amis black rient de toi parce que tu suis pas le rythme avec tes pieds. Parce que tu suis pas le rythme avec tes pieds. Elle si toi est à contre-courant, you know. J'ai de la nouvelle cadence, you know. Pour ceux qui dansent pas dans le tempo, you know. Pour ceux qui dansent pas dans le tempo, you know. Je veux pas chanter dans le beat, dans le beat, dans le beat. Je veux pas chanter dans le beat, dans le beat. Mon flow est à l'eau, je me fous de mon micro, puis je rappe en crescendo. Je veux pas chanter dans le beat, dans le beat, dans le beat. Je veux pas chanter dans le beat, dans le beat. Je chante à côté du beat. Outside, you know. Je chante à côté du beat. Outside. Tu peux claquer des doigts si tu veux, ou frapper des mains, c'est encore mieux. Y'a pas personne pour te juger. Cette tune-là est impossible à scraper. Cette tune-là est impossible à scraper. MC Troy est à contre-courant, you know. J'ai lancé une nouvelle tendance, you know. Pour ceux qui font du bruit, pas dans le tempo. Pour ceux qui font du bruit, pas dans le tempo. Je veux pas chanter dans le beat, dans le beat, dans le beat. Je veux pas chanter dans le beat, dans le beat. Mon flow est à l'eau, je me fous de mon micro, puis je rappe en crescendo. Je veux pas chanter dans le beat, dans le beat, dans le beat. Je veux pas chanter dans le beat, dans le beat. Je chante à côté du beat. Outside, you know. Je chante à côté du beat. Outside. C'est what MC Trouille. C'est what MC Trouille. On vient d'entendre MC Trouille avec la pièce Outside the Beat d'un album inexistant. Et MC Trouille, ou plutôt de son vrai nom, notre amie Marie-Ève Langlois, qui s'amuse comme ça à produire des pièces plutôt éclectiques. Puis aussi, ce qu'elle fait fréquemment, c'est remixer pour donner un second souffle. Ça, c'est son slogan. Et elle reprend entre autres des hits comme « Ça va bien » de Kathleen ou « L'aigle noir » de Marie-Carmen ou encore « Chum de fille » de Marie-Chantal Toupin. Donc, si vous voulez entendre ces merveilles, vous pouvez vous rendre sur son site MySpace, soit le www.myspace.com/MCTrouille. Donc, MCTROUILLE. Donc, alors voilà, je suis heureuse d'avoir passé mon amie Marie-Ève Langlois, alias MCTrouille, à Chérie mes coups de dessus ce soir. Et avant, dans ce bloc éclectique, on avait la formation de Portland, en Oregon, de Blow, formation active depuis 2001 avec la pièce « Bonjour, jeune fille » de leur album « Paper Television » paru en 2006. Et au début du bloc, la formation électro-française « Prototype » avec la pièce « Est-ce que tu m'aimes » de leur troisième album « Synthétique » qui est paru en 2008. Donc, avant de se quitter pour une courte publicité, vous mentionnez que vous pouvez consulter le www.sophieaimelamusique.blogspot.com pour avoir un lien pour connaître les pièces qui ont joué à l'émission de ce soir. Et sinon, vous pouvez également vous joindre au groupe Facebook en tapant « Chérie mes coutus » dans la barre de recherche. C'est assez simple. Donc, on se quitte pour une courte pause. Vous êtes à l'émission « Chérie mes coutus » en compagnie de Sophie Laforêt et Martine Goulet, notre recherchiste du jour, sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou dans la tête. C'est fou 89.1, la scène émergente. You wanna shake Yeah. vient d'entendre la pièce Future Primitive de la formation Paper Cuts de leur quatrième album You Can Have What You Want, qui est un album paru en 2009. Et c'est une formation active depuis 2000 qui nous vient de San Francisco et ils font dans l'indie pop. Et c'est Martine qui me donne toutes ces belles informations-là encore une fois. Au début du bloc, on avait la formation The Bird and the Bee avec la pièce Polite Dance Song que je vous conseille d'aller voir en version vidéo sur YouTube absolument. Ça contribue vraiment à l'écoute de cette pièce-là. Et je vais aussi mettre le lien sur le blog. Donc, vous pourrez facilement trouver la vidéo. Et la pièce est tirée de l'album Race Gun Are Not Just the Future, qui est leur troisième album paru en 2009. Et c'est une formation active depuis 2006 qui nous vient de Los Angeles. Et c'est une formation indie twee-pop, à forte tendance pop. En fait, c'est la pièce qu'on préférait de cet album-là. Et je voulais également mentionner que toutes ces belles pièces sont des découvertes de notre recherchiste cette semaine. Donc, découverte musicale de Madame Goulet de la semaine. Et on va continuer du côté anglophone avec la formation Memory Tapes de leur nouvel album qui est paru il y a une ou deux semaines, l'album Seek Magic. La pièce qu'on va entendre s'appelle Bicycle. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérimi Coutu en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. C'était la formation Télépathe avec la pièce So Fine de leur deuxième album Dance Mother, paru en 2009. Et c'est un groupe électro-expérimental avant-gardiste de Brooklyn. Et nouveauté, encore une fois, découverte de Martine Goulet. Avant cette formation, on avait l'autre formation américaine, Memory Tapes, avec la pièce Bicycle de leur premier album Seek Magic, qui est paru en septembre 2009. Et c'est une formation électronique du New Jersey. Et moi, c'est ma découverte de la semaine, personnellement, mon coup de cœur également. J'étais convaincue qu'ils n'en étaient pas à leur premier album, vu la qualité musicale derrière ce qu'on a entendu. Mais non, ça a l'air que c'est un nouveau groupe avec un nouveau disque. Donc, à découvrir Memory Tapes. Et on va se tourner du côté francophone avec un court bloc électro. Et ensuite, on reviendra encore en musique du côté francophone. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu jusqu'à 19h en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Petite guêpe, accroche-toi, je t'emmène. Ma veste pas, accroche cœur, je t'en aille où tu voudras. Dis-moi, comptes-tu jouer les guêpes toute ta vie? Et pourras-tu m'aimer même si je t'aime? Tu n'entends pas? Mes questions sont déviées par ton foulard et sur la voie publique. Les véhicules sont des gommes qui effacent mes paroles, alors tant pis. Le scooter contourne les attractions d'une capitale que j'ai imaginée. Nous ne savons pas ce que on a, j'ai si peur, surtout je ne veux rien cacher. Le moteur lâche au milieu du trafic, je ne pourrais pas te l'épouser. Tu disparais au métro République, je fais comme si le rien n'était. Ciao. La Vespa est à vendre, un modèle 77, offrez ce que vous voulez. D'ailleurs elle est cassée, mais c'est presque donné, achetez-la pour les pièces. Ces histoires de garage, là franchement comme métaphore, j'aurais pu faire mieux. Et j'aurais pu dire mieux, quand tu t'es envolé, qu'est-ce que j'ai dit? Adieu, ciao, ciao, mais c'est tout faux. Six pierres jolies précieuses, six galactiques brillantes, omniblées. La pièce Cosmétique Cosmique de la formation Les Amis au Pakistan, qui est une formation de Montréal, mais originaire de Laval. Et moi, personnellement, j'écrirais ça comme de l'électropop parodique, mais eux se décrivent eux-mêmes comme étant du rétro-futuristique lo-fi. C'est ce que Martine nous a trouvé sur Internet. Et ils disent qu'ils sont un peu fous, ils parlent un peu l'anglais. Et oui. Et vous pouvez consulter lesamisaupakistan.com pour plus de détails. Et ça, c'est leur deuxième album, donc Cosmétique Cosmique, qui est leur album, leur deuxième album, qui suit... Est-ce que tu te souviens du premier album, Martine? Libidinal, Espace Libidinal, quelque chose comme ça, donc leur premier album. Puis, je vous dirais que la pochette là, qu'on a sous les yeux est particulièrement atroce. Et Martine, qui aime beaucoup les arts visuels, m'a dit qu'elle trouvait ça atrocement laid également. Mais je pense que c'est voulu et que ça va avec les personnages parce que, comme vous avez entendu, ils se prennent pas très, très au sérieux. Mais musicalement, c'est intéressant. C'est l'électro. Puis moi, j'aime bien ce qu'ils font, mais faut pas trop s'attarder aux paroles, je pense. Sinon, c'est facile de décrocher puis de se mettre à rire un peu, comme ça. Et avant, on avait la formation Automélodie avec la pièce « Ciao, ciao, ciao » d'un single... plutôt d'un simple qu'on a ici en studio. Et c'est la formation de Xavier Paradis, qui était également chanteur de l'ancienne formation Echo Kitty, qu'on aime bien, Martine et moi. Et donc, c'est ce qui complète ce bloc électro-francophone. Et c'est bientôt sur ça que l'émission va se terminer. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de Chérie m'écoute-tu. Et on va se retrouver, bien sûr, la semaine prochaine, 19 octobre, pour une autre heure musicale variée. Et avant de conclure, on va écouter une dernière pièce. Puis je vous rappelle aussi également que vous pouvez consulter le www.sophieaimelamusique.blogspot.com pour avoir des liens vers les artistes qui ont joué ce soir et avoir la liste des pièces. Puis aussi, on va mettre le lien du vidéo de The Bird and the Bee qu'on vous parlait tantôt. Donc, ce sera disponible. La pièce qu'on va entendre, c'est une pièce du nouvel album de Mille Monarques, en fait, leur seul et unique album, leur album éponyme. La pièce qu'on va entendre, c'est Rouge, et c'est la seule pièce sur l'album qui est chantée par la membre féminine de ce groupe, là, dont je ne sais pas le nom, comme ça, par cœur. Donc, on va entendre ça tout de suite sur les ondes de C'est fou 89.1 FM.